c'est une larme de tendresse. Sur un sourire qui me revient, c'est à peu près tout ce qui reste, tout ce qui reste à la fin. Je savais les mots et les gestes, les promesses, et j'aimais le feu de ta peau sous mes mains. Je pouvais dessiner toutes nos nuits de caresses. Ce soir, je ne sais plus rien. Tant de silence nous sépare, autant de mots qui tuent la vie. Et quand se voilaient tes yeux noirs en plein soleil, il faisait nuit. Je savais les mots et les gestes, les promesses, et j'aimais le feu de ton sang dans tes reins. Je pouvais dessiner toutes nos nuits de caresses. Ce soir, je ne sais plus rien. Que reviennent les mots et les gestes, les promesses, que s'allume à nouveau le feu que tu retiens. Laisse-moi espérer une nuit de caresses. Sans toi, je ne suis plus rien. Thank you.